par je ne sais plus quel shir de machin, jusqu'à Abou Bakr Siddiq, c'est lui le premier maillon de notre chaîne soufi, etc. etc. Ou nous, on est des salafis, on suit les salafs, mais bon, on adore aussi le tarot éventuellement. On s'allie avec les gens qui veulent détruire l'étendard de la ilaha illa Muhammad Rasulullah, mais bon, on suit les salafs. Donc il dit Mohamed Abdou Wahab, parmi les caractéristiques des gens de Jahiliya, da'wahum ittiba' al-salaf, la prétention de suivre les salafs, ma'a at-tasrih bi mukhalafatihim, avec le fait clairement de s'opposer à eux. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. On a fini avec cette introduction.